Tranche de vie, épisode 3. Bonsoir. Merci d'être toujours à l'écoute. Merci de me suivre, moi et ma grand-mère. Et aujourd'hui, comme je vous avais promis, on part en voyage. On va partir beaucoup plus loin, direction Cuba. On va remonter dans le temps d'environ 150 ans. On se retrouve au milieu du 19e pour aller suivre mes deux arrière-arrière-grands-pères qui sont les deux partis à Cuba, qui se connaissaient pas à l'époque, mais qui sont partis à peu près en même temps. Et c'est là que j'ai appris d'où vient la fameuse tradition d'avoir des huîtres à Noël. Donc voilà, sans aller plus loin, on va partir et écouter ça. Je vous rappelle juste que si vous voulez savoir quand est-ce qu'un nouvel épisode de Tranche de Vie arrive, vous pouvez vous inscrire pour recevoir un email à chaque fois, cherchez un peu sur le site tranchedevie.ledcom.ch. Et vous allez trouver un lien, vous cliquez dessus, vous entrez votre adresse email et vous serez tenu au courant. Merci et bonsoir. Eh bien, mon grand-père était à Cuba et le grand-père d'Albert était à Cuba. À peu près, vraisemblablement, je pense à la même époque. Alors, le grand-père d'Albert est parti d'Espagne comme migrant pour... parce qu'il fallait qu'il ait de l'argent, c'était le moyen de survivre à un moment donné, puisqu'il était de la Galice, qui était une province, une région très pauvre d'Espagne. Il est parti là-bas. Je ne sais pas très bien comme quoi ton grand-père était là-bas, à Cuba. Tu te souviens comme quoi il était là-bas? Comme travailleur, comme... Je me souviens pas. Je sais même pas si tu l'as su, toi. Mais il est revenu avec une petite fortune, puisqu'il a donc créé une armurerie. Il vendait des armes, il vendait une quincaillerie, mais où il vendait surtout des armes. Tandis que mon grand-père à moi, il y est parti pour représenter une fabrique d'horlogerie à Cuba. Et il y a vécu, je ne peux pas te dire, quelques années. Ça devait être dans les années... Il était de 65, il va avoir 18 ans à peu près quand il est parti à Cuba. Et là, il était pour un comptoir d'horlogerie. Et un des premiers souvenirs qu'il écrivait des lettres à la famille, et une des premières choses qu'il avait racontées, c'est qu'arrivant là-bas, il s'est trouvé confronté avec des Noirs, bien sûr, ou en tout cas des gens de couleur, et il s'est dit, qu'est-ce que je vais prendre au restaurant? Parce qu'il s'est demandé au monde ce qu'il allait pouvoir manger, qu'il soit mangeable, et ses mains noires qui touchaient la nourriture, ça le dérangeait très fort, et il a entre autres demandé un œuf à la coque. Et le noir est arrivé avec l'œuf à la coque. Il a cassé l'œuf dans une tasse et il l'a battu avec ses doigts. Ça, c'est une des premières impressions de mon grand-père, là-bas à Cuba. Alors, ce qu'il a gardé de Cuba, il est revenu, puis il a eu la fête de l'horlogerie à la Chaux-de-Fonds. Ce qu'il a gardé de Cuba, c'est qu'il a toujours fait venir ses cigares directement de là-bas. Il y avait une réserve de cigares chez mon oncle, parce que mon grand-père, moi je ne l'ai jamais connu, il est mort en 18, et il y avait encore une réserve de cigares énorme chez mon oncle, et il fumait toujours ses cigares qui venaient de Cuba. Et il venait aussi venir son eau de vie de Cuba, et j'ai toujours entendu parler d'eau de vie qui s'appelait c'était de la Guadeloupe. Attends, comment on disait déjà? Aguadiente, hein? Oui, de l'aguadiente. Donc, de l'eau qui brûle. Et il y en avait aussi encore, je me souviens, chez mon oncle, des restes d'eau de vie qui étaient venus directement de Cuba. Et puis, il avait ramené certaines recettes de là-bas. L'habitude des fruits de mer, bien sûr, et entre autres à Noël, il faisait régulièrement venir des bourriches d'huîtres de Ostende, spécialement pour lui, pour les repas de Noël en famille. Ça, c'est aussi des restes de là-bas, les crustacés, toutes ces choses-là.